devant les fonctionnaires, tu ramperas. Face à eux, tu n'existes pas. Grâce à la loque qu'on te payera, sans peur et sans crainte, tu survivras. Seul en ta chaumière, toujours tu seras. Sinon, les vivres, on te coupera. Dans les poubelles, ta maison meublera. Dans les brocantes, tu t'habilleras. Au bois de récup, on te donnera ton corps et ton cœur échauffera. Les petits boulots acceptera. Sache-le, l'exclu, c'est fait pour ça. La lueur des bougies t'éclairera. Sur 4 ampères, tu fonctionneras. Ta maison jamais ne surchauffera. Le froid en forme te conservera. La banque alimentaire tu fréquenteras. Pour manger 4 jours par mois. Point de véhicule tu n'auras. La marche à pied c'est très bon pour toi. Riche jamais.